Dans sa quatrième promenade, conformément à sa nouvelle maxime de vie, Vitam impendere vero, accrocher sa vie à la vérité, Rousseau proclame sa haine du mensonge. Après avoir appelé, avec honte, un mensonge qu'il a fait dans sa jeunesse, en accusant une cuisinière du vol d'un ruban dont il était le seul coupable, Rousseau reconnaît qu'il y a même dans ses confessions quelques mensonges, mais ils y sont involontaires. J'avais mon intérêt à tout dire, et j'ai tout dit.